Yo, Chase, this is the track. Ice Fat. Let me get up, Black. Word up, kid. Yo, I'm K-Sit on peak, I'm straight at ya. With some flavor you never heard before. Fuck that, yeah, that's right. I'ma pour my French voodoo on you, kid. Check it out. Love you, mom, kid. Les figures de style sont pratiques quand on n'a rien à dire. Mais quand on parle de problèmes techniques, le vocabulaire doit être clair, simple, compréhensible. Voilà pourquoi j'utilise pas des métaphores. On a besoin d'un effort particulier pour les déchiffrer. Je parle le langage de la colère, où chaque mot est dit en termes de guerre. Suivi de mouvements divers pour exprimer ma colère. Toc la police, toc les racistes, toc les ministres, est-ce clair? Mes veines sont claires, telle une ampoule envers des millions de watts. Risqué comme les quartiers de Watts. South Central, Los Angeles, yo, what's up with that? I told you, Black. Ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule, sur MC Carton, mon style qui m'étonne. Font des métaphores qui produisent de l'or, des tests qui pèsent 5 tonnes. Textes ignorent encore s'ils sont encore. Leur parole s'envole, leur métaphore décolle, décolle. Mais mes textes collent, indispensables comme des banderoles. Électorat dans mes textes, sur la norme, mes textes sont cruciales. Je crucifie les coupables, leur déchire l'anal. Je clame les hardcore, chill on the south shore. The war is on, fake MCs for me to Babylon. Better drop the macro. Ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule. Réécris tes textes, bouge flex, ta gueule. Réécris tes textes, bouge flex, ta gueule. Réécris tes textes, bouge flex, ta gueule. Réécris tes textes, bouge flex, ta gueule. Réécris tes textes, bouge flex, ta gueule. Quel si cerveau réceptif, trouvez-moi un contraceptif, car mes textes sont nocifs. Et vos lyrics sont inoffensifs. Ah, je vous envoie mon offensive. Vous n'avez pas le défensif, comme Ricardo. Daily, je vous défoncerai les gencives. Massives sont mes arnaques endommageables comme une attaque de Big Mac. I told you, Black. Le rap n'est pas une passe-page de cash ni de chat. Tu dois attaquer les problèmes de société, éduquer, poser des questions, être en constante mission. Constamment écrire des textes, perfect, perfection. Te soucier de la condition d'un peuple, de sa situation, de la révolution. Donc révolutionne tes consonnes, réécris tes chansons, deviens hardcore. Ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule. Réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule. Réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule. Réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule. Réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule. Réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule. Réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule. Réécris tes textes, bouge flex. À toi, l'université de mystère. Je n'ai pas besoin de verre comme Berlin. De rythmique commerciale sans haine, je fais ce que j'aime. J'ai grandi au Québec, à Paris, New York, London et LA. Et de cité en cité, j'ai été respecté. J'ai aussi rencontré des personnes à Madrid qui ont voulu me tester au micro dans la rue, dans le métro. Hi, Casey Edelman-O.P. ne dit jamais non à un combat. J'ai survécu plus de mille et une confrontations. Tout ça au nom de mes textes. La condition de mon peuple en Europe, aux States. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai pas besoin d'un bodyguard. Mon peuple sait que je fais du mieux que je veux pour écrire des textes. Crier la colère de mes frères et sœurs de l'Afrique à l'Amérique qui stresse. Ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. Ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. KOI 96.9, I'm just listening to your beat now. And I'm saying, capture the vibe. Oh shit, I'm real out. Yo, this is LG. And you know, congratulations for your beat playing on the radio, you know what I'm saying? Ta gueule, réécris tes textes, bouge flex. You know the routine. Quoi que tu fasses, change jamais ton approche parce que c'est ça que l'on a besoin d'entendre les vraies affaires. Puis ton message, c'est positif, j'adore ça. On sent toute la rage, la révolte que t'as, puis c'est bon, ça sort comme ça.